Cari amiche e cari amici, bentrovati, benvenuti, Maridia ai microfoni, questo freddissimo martedì di gennaio, però insomma ce l'aspettavamo, finora eravamo già troppo viziati da questo clima insolitamente caldo. Saluto Dani M. Regia. Ciao a tutti, e poi purtroppo stasera mi hanno detto che dalla settimana prossima andremo a meno 5, meno 7, quindi vabbè, dai, è propedeutico questo freddo al freddissimo. Quindi insomma prepariamoci per quelli che saranno i giorni a venire. Saluto i nostri George, la nostra Fiordaliso, che sono in vacanza, probabilmente Fiordaliso no, ma sicuramente Giorgetto lo è, perché sono in Giappone, beati loro, quindi a loro vanno veramente i nostri migliori saluti e chissà, magari ci ascoltate in quel di Tokyo, buon ascolto. Se volete chiamateci, insomma, alle nostre coordinate ce l'avete. Quindi buonasera a tutti. E questa sera è una puntata molto ricca, perché essendo da sola ho dovuto provvedere in maniera tale da riempire un po' tutti gli spazi e sentirmi anche meno sola, giacché la nostra Brussellandopedia non c'è, quindi come sapete senza Giorgetto insomma l'operazione è molto più difficile. Le ultime due puntate sono state uploadate, ringrazio tutti coloro che continuano ancora a seguirci con passione e con piacere. Quindi apriamo questa che è la nostra serata, abbiamo due ospiti, un ospite che è in studio con noi e un ospite invece che ritorna molto molto gradito, che è Anna Laura Longo, la quale ci racconterà di quelle che sono le sue ultime novità letterarie. Questa sera è una puntata un po' speciale perché parte di questa trasmissione sarà in lingua francese, quindi rendiamo omaggio a questa splendida città che ci ospita, quindi per il prossimo quarto d'ora parleremo in francese, ci occupiamo di una tematica di cui riconosco finora non avevamo forse mai nemmeno parlato, se non veramente una volta en passant, che poi è il mondo, il cosiddetto settore solidale, che tanto spazio trova soprattutto, noto o almeno penso, tanto spazio trova soprattutto in questa città. E abbiamo deciso di intervistare Jean-Michel Maréchal. Ciao. Buonasera. Jean-Michel, hai visto che qualche parola in italiano la conosci, il quale è il responsabile della comunicazione di un'associazione senza scopo di lucro che si chiama Famisol. Donc, ce soir avec nous, Jean-Michel, il va nous raconter donc de cette ASBL Famisol et de ses activités principales. Jean-Michel, vous fêtez ou vous avez fêté 15 ans, je n'ai pas bien compris si l'année passée ou cette année. Donc, qu'est-ce que c'est Famisol et quels sont ses objectifs? Alors, Famisol, c'est une association bruxelloise. L'objectif de l'ASBL, c'est de soutenir les enfants porteurs de tout type d'handicap, donc des enfants de 0 à 18 ans, le soutenir eux et leurs familles, grâce à de l'accompagnement proposé par l'équipe multidisciplinaire de l'ASBL et grâce à deux projets qui sont coordonnés, qui sont organisés par Famisol, qui font appel à des personnes ou des familles qu'on appelle handi-solidaires, donc des personnes volontaires qui ont envie de s'engager dans un projet, soit personnel, soit familial, à la rencontre de l'enfant handicapé, donc une démarche personnelle, mais une démarche solidaire aussi par rapport à l'enfant et sa famille. Mm. Tu disais donc que Famisol, c'est une association bruxelloise, donc cela, ça veut dire qu'elle est active sur le territoire bruxellois ou même en Flandre ou en Wallonie? Alors, on est actif dans toutes les communes de Bruxelles, certainement. On l'est aussi dans les communes du Brabant-Wallon, donc plutôt le sud de Bruxelles. Mais voilà, on est une petite équipe, donc on est limité géographiquement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de Famisol qui existe ni en Flandre ni en Wallonie. C'est un projet assez inédit, en fait. Ah, bah, d'accord. Donc, tout venait de dire, en fait, que donc, le but principal de votre association, c'est de soigner, en fait, les enfants avec un handicap. Est-ce que nos amis à l'écoute peuvent se rendre utiles sans avoir d'expérience de l'handicap? Oui, bien sûr. C'est un projet qui est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas une formation à proprement parler. Selon Famisol, la meilleure des formations, finalement, c'est la rencontre. Et donc, ce que nous proposons aux personnes qui ont envie de s'engager, qu'elles n'aient pas du tout l'expérience, ou qu'elles en aient un peu, ou qu'elles aient envie de le faire seules ou avec leur famille. Mais donc, voilà, Famisol propose, mais notamment le projet des journées Famisol, qui sont des activités de loisirs que nous organisons et animons certains samedis, certains dimanches. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vivre une activité en groupe, mmh, avec les professionnels qui, évidemment, qui ont organisé, qui animent la journée, quelques enfants porteurs d'handicap inscrits à Famisol et quelques encadrants volontaires. La plupart n'ont pas d'expérience d'handicap, mais c'est ça l'enjeu et la richesse du projet, c'est que justement il y a cette rencontre qui se crée entre des enfants, évidemment avec lesquels on a des a priori au départ parce qu'ils communiquent différemment, se déplacent différemment. Et donc voilà, c'est le but de la rencontre et de viser une notion de plaisir finalement, au-delà des différences, et d'aller à la rencontre aussi au-delà de l'âge, de la différence du handicap, et que les volontaires aussi entre eux finalement se questionnent, s'interpellent, et donc il y a cette dynamique qui est assez, on va dire, conviviale et sécurisante, parce que ça se fait dans un cadre professionnel, et donc voilà, donc l'expérience du handicap, elle n'est pas du tout obligatoire. Et en fait, donc j'imagine qu'il y a plusieurs types d'handicap. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, pour les enfants qui veulent participer à vos programmes, comment ça marche? Comment faut-il les inscrire, par exemple? Alors, mais ce sont des enfants donc, qui sont inscrits de façon durable, donc ce n'est pas des activités auxquelles ils s'inscrivent à la carte en débarquant comme ça du jour au lendemain. Donc c'est effectivement, il y a tout un cheminement qui se fait avec l'ASBL de Famisol. C'est un service d'accompagnement. Donc nous, l'objectif, c'est de soutenir sur le plus long terme et de préparer finalement ces enfants à l'âge adulte, qui a un âge évidemment à partir de 18 ans où effectivement il devient adulte, il devient citoyen malgré son handicap, et donc il faut pouvoir l'avoir préparé notamment à la rencontre justement de personnes, se sociabiliser un maximum, d'avoir vécu des activités adaptées à son handicap, d'avoir pu rencontrer des volontaires, des familles, aussi avec le projet des familles relais d'ailleurs, qui est aussi un projet qui les encourage ces enfants dans leur autonomie, de vraiment rencontrer des personnes qui les invitent de temps en temps chez eux. Donc ça, c'est un projet de parrainage. Donc voilà, mais effectivement, ce sont tous les types d'handicap. Donc on a des enfants effectivement qui sont avec un handicap mental, donc des enfants en chaise ou avec un handicap moteur, des enfants avec un handicap sensoriel, de l'autisme aussi. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'offrir une chance à tous les enfants, parce que finalement, ils ont tous droit à des activités adaptées à leurs limites, mais à leurs forces aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont aussi des potentiels, évidemment, dont on se doute pas toujours au départ, quand on voit tellement la faiblesse de l'enfant. Voilà, l'objectif aussi de Famisol, c'est de sensibiliser le grand public à cette question de occupons-nous aussi des capacités des enfants, malgré toutes les limites qui ont l'air de les handicaper au sens propre du terme. Donc voilà, c'est changer ce regard, et au-delà du regard, mais aussi encourager les citoyens à participer et à allier le geste qui va avec le regard. Par exemple, donc, quelles sont les activités et les horaires des journées Famisol? Alors, une journée Famisol, c'est toute une journée. Donc c'est l'objectif aussi, c'est de pouvoir permettre aux parents de l'enfant d'avoir une journée entre guillemets pour souffler ou faire des activités parfois qui sont un peu plus compliquées quand l'enfant est là. Donc ça commence le matin vers 10h. Ça se passe à Famisol. Souvent l'après-midi, on fait une sortie, donc on prend le métro, on prend les voitures, et donc on essaie de faire une sortie toujours aussi grand public, c'est important, pour finir vers 5h30 le soir. Et donc avec un moment d'accueil des bénévoles le matin et un moment le soir où on reparle de la journée. Donc c'est important aussi cet espace de parole où chacun peut livrer ses impressions par rapport à comment est-ce qu'il a vécu cette journée, le rythme des activités, le rapport évidemment aux enfants qui est... Tout le monde a toujours des milliards de choses à dire en fin de journée. Je crois que tout le monde repart avec plein d'images et de souvenirs. Et par exemple, qu'est-ce que vous allez faire samedi prochain? Quelles sont les activités que vous pensez faire? Alors, si vous avez déjà une idée. Samedi prochain, alors il me semble qu'ils ont prévu de faire une sortie dans un espace de stimulation sensorielle. C'est pas très grand public, c'est très dans le milieu du handicap. Un milieu, c'est une zone d'activités où les enfants et les adultes aussi, parce que le plaisir est partagé dans ce niveau-là, ce sont des stimulations sensorielles, visuelles, par le toucher, par le dans une ambiance soit plutôt où on peut bouger dans tous les sens et absolument se jeter dans un bain de boules, ou plutôt aller sur un matelas haut avec des lumières tamisées, et voilà. Donc aussi pour les bénévoles, quand même, c'est amusant. Tout le monde en profite. Hein. Le matelas haut, on a déjà vu des bénévoles s'endormir sur le matelas haut. Alors c'est pas le but, mais oui. En tout cas, il y a un plaisir partagé. Et ça, c'est justement une activité où tout le monde est sur le même pied d'égalité. L'objectif, c'est pas d'être des bénévoles qui veillons sur des enfants qui ne peuvent pas rien faire. Justement, on essaie de mettre les adultes et les enfants sur les mêmes pieds de potentiel des choses. Et donc... Donc voilà, ça c'est une activité justement où tout le monde se retrouve. Oui. Et ces activités sont les mêmes pour chaque âge ou il y a des différences parmi par exemple les ados plutôt que les enfants? Alors, mais chaque groupe voit un vrai mélange des âges, un mélange des handicaps. Les volontaires aussi ont 18 ans, certains ont 60 ans, certains ont beaucoup. Enfin voilà, c'est et donc là c'est l'objectif aussi de créer un peu une alchimie dans le groupe et de pouvoir parce que chaque adulte est référent on va dire d'un enfant et donc du coup on essaye de veiller à ce que les binômes fonctionnent bien, ça tienne compte de la sensibilité, de l'expérience de la personne et puis à nous professionnels ensuite de créer un esprit de groupe. Soit en regroupant parfois plutôt les âges, effectivement, pour que les plus grands se sentent plus valorisés par rapport aux petits et que par rapport parfois aux compétences liées au handicap, mais on puisse aussi faire des activités adaptées plus spécifiquement. Et alors, étant donné qu'il me semble être très, très intéressant ce que tu dis, qui peut devenir personne ou famille relais et comment? Alors oui, c'est le deuxième projet, effectivement, coordonné par FamiSol. Ce qui fait appel aux personnes ou aux familles relais, donc c'est une forme vraiment de parrainage actif. Donc là, c'est un projet de rencontre, on va dire, durable avec l'enfant handicapé. Donc la personne ou la famille qui souhaite devenir famille relais, ben, il y a évidemment une période de sélection ou de rencontre avec l'équipe dans un premier temps pour que les gens comprennent, prennent conscience des enjeux du projet. Ils sont invités à une journée famille seule justement pour découvrir l'ambiance, rencontrer les enfants, se faire une meilleure idée du coup de, mais voilà, c'est ça, passer une journée avec un enfant, c'est ça, s'amuser, c'est ça, faire des jeux, c'est ça, passer un moment de table avec cet enfant. Et donc, voilà, il y a une série d'entretiens, soit à famille seule, soit à domicile. Et au bout d'un moment, ben, quand la famille, effectivement, on la sent suffisamment mature que pour accueillir chez soi un enfant, ben on crée alors du coup le puzzle. Il y a toute une réflexion évidemment en équipe derrière et à un moment donné, ben, on propose à cette famille, ben voilà, vous connaissant, on croit, on vous propose de vivre un projet d'accueil familial de courte durée. Donc c'est vraiment accueillir chez soi une fois par mois, un jour ou même tout un week-end, l'enfant chez soi. Et se tisser un lien durable avec lui, donc il y a vraiment... Donc c'est toujours le même enfant qu'on peut rencontrer. Oui. Est-ce qu'il y a un lien direct avec l'enfant, le premier enfant qu'on rencontre, par exemple? Mais ça, c'est vraiment le but. Donc dès qu'on constitue ce binôme, la famille qui accueille et l'enfant accueilli, avec la famille qui confie son enfant, donc FamiSol fait le lien entre les deux familles, mais effectivement, c'est un projet qui est du coup... qui est stable et le plus durable possible pour que l'enfant retrouve cette famille et s'en fasse finalement de nouveaux amis. C'est vraiment ça le but derrière. Et le même s'applique aussi pour les volontaires qui passent avec vous les journées FamiSol? Pour Par exemple, un volontaire qui vient le samedi. Oui. Est-ce qu'il peut s'occuper toujours du même enfant ou Essaye, on le favorise parce que c'est souvent positif. Maintenant, certains volontaires souhaitent parfois... Mais passer des journées avec des enfants différents aussi, justement, pour faire connaissance avec d'autres enfants. Et voilà, c'est aussi le plaisir de rencontrer d'autres personnes, discuter avec cet enfant ou de vivre des activités parfois très différentes. C'est vrai que passer une journée avec un enfant qui est en chaise, où effectivement le rythme est beaucoup plus lent, dans la finesse, on parle doucement, on va vers les activités, et un enfant qui est plus hyperactif, mais voilà, c'est clair que c'est deux journées très différentes pour la personne, et certains en demandent un petit peu de tout pour tester lui soi-même aussi. Bien sûr. Dani, à la régie, il a aussi une question pour toi. Oui, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous cherchez aussi à développer les côtés artistiques de ces personnes, disons, si vous développez des ateliers, par exemple, d'art ou de quelque chose... afin qu'ils puissent produire un petit peu quelque chose d'artistique. Et la deuxième chose, c'est vous les accompagnez jusqu'à l'âge adulte, tu as dit. Oui. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la première question, comme ce sont des journées, même si elles se font toute une journée, c'est relativement court que pour mener des projets vraiment artistiques, durables, donc faire un projet de peinture et tout ça, on en fait évidemment, on fait beaucoup de musique, vraiment qui est un canal, évidemment, qui parle, qui est universel. Et donc, c'est un lieu de rencontre, la musique. Alors, soit la musique, effectivement, mélodique, avec djembé, piano, enfin voilà, avec le concept, évidemment, de pas réussir un morceau à tout prix, parce que ça, on a fait le deuil de cette réussite-là. Mais par contre, le plaisir d'avoir produit une ambiance, d'avoir créé une dynamique, d'avoir touché certains enfants qui sont réticents aux activités de groupe. On fait énormément de tout ce qui peut être créatif. Effectivement, on essaye de développer ça sans avoir un projet de thérapeutique ou n'importe quoi derrière. Donc c'est vraiment le plaisir aussi de faire des activités qui soient adaptées aussi aux limites ou aux capacités des enfants. Donc voilà, mais ça, c'est effectivement, ça nous est cher. Je suis moi-même artiste et donc c'est quelque chose que, en tout cas, la musique est le, oui, la musique avant tout. Ouais. Vraiment, ça, c'est important. Et concernant ce qui se passe après, disons quand une personne qui est handicapée devient mm-hmm. adulte, comme tu dis, devient citoyen, mais quand même il a besoin d'un accompagnement tout au long de sa vie, est-ce oui. qu'il y a d'autres associations qui prennent en charge ces passages? Alors ça dépend, parce qu'évidemment ici on parle de personnes, le handicap c'est tellement vaste, hein, c'est une question déjà de, voilà, une déficience, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. Ce sont des personnes aussi différentes et donc il y a des niveaux de dépendance par rapport aux autres qui est très différent. Et donc certains, effectivement, il y a un accompagnement qui se fait jusqu'à 18 ans. Bon, souvent à Famisole, on joue un peu les prolongations parce que voilà, on est en train de mettre en place des choses par rapport à des institutions, des internats où on essaie de trouver des pistes pour soutenir les parents aussi dans ces démarches. Donc ça fait vraiment partie des missions de Famisole. Mais c'est vrai que c'est un âge, effectivement, qui est... une charnière dans la vie de toute personne, venir majeur, parce que bon, citoyen, finalement, on est citoyen, mais c'est vrai que c'est un cap qui est pas facile, à plus forte raison avec handicap, parce qu'il y a peu de choses, effectivement, qui sont pensées, et ça, c'est un des combats de famille seule, évidemment, c'est soutenir les familles dans la durée, pour qu'à 18 ans, effectivement, ils aient le plus d'indépendance, qu'ils aient le plus de réseaux mm-hmm. développés, que ce soit dans leur voilà un réseau d'aidants proches ou un réseau plutôt dans les tout ce qui est institutionnel et puis voilà Et comment donc par exemple on peut inscrire un enfant à vos programmes Ben dans tous les cas il faut nous appeler et on rencontre les gens, on voit effectivement quelle est la demande, ce que Famisole va pouvoir effectivement prendre en charge, on essaie d'y répondre le mieux et le plus vite possible en fonction ben, évidemment de la charge de travail de l'équipe aussi mm-hmm. Et puis de voilà, mais en tout cas c'est vraiment important de que cette au moins cette première écoute soit faite parce que parfois voilà on a aussi une assistante sociale dans l'équipe, on peut aussi parfois rediriger une demande de parents qui nous appellent, qui sont en demande de mm-hmm. pouvoir souffler, de confier leur enfant, qui cherchent des activités adaptées, qui cherchent des camps de vacances, d'intégration, et donc on est très fort là-dedans, et donc parfois, il faut pas grand-chose pour mais changer, rebooster une famille, oui. Parce que voilà, manque d'informations, manque de réseau, et donc Famisole joue ce rôle-là, c'est très important. Par exemple, comment peut-on soutenir Famisole autrement qu'en étant volontaire? Parce que je ne pense pas que tout le monde, peut-être ce soir à l'écoute, veut le devenir. Donc, qu'est-ce qu'on mm-hmm. peut suggérer? Alors, mais Famisole, déjà bon, c'est vrai que nous, on recherche évidemment essentiellement les bénévoles, les volontaires, parce que c'est ce qui fait vivre le cœur du projet. Maintenant, c'est vrai que la solidarité, c'est quelque chose qui est contagieux. C'est en parlant autour de soi qu'elle peut, voilà, que les gens apprendront du coup que Famisole existe, que c'est ouvert à tout le monde, que le handicap, c'est pas juste pour les éducateurs spécialisés, mais c'est que n'importe quel citoyen peut se rendre utile. Et donc, tout ce qui peut faire parler de Famisole est vraiment intéressant pour nous, parce que ça complète bien notre mission de sensibilisation, et le bouche à oreille en général, c'est ce qui fonctionne le mieux comme promotion pour faire venir les gens et faire comprendre qu'il y a quelque chose en marche là. Et donc voilà. Et moi j'ai encore une curiosité et une question avant de nous quitter. Famisole, moi la première fois que j'ai entendu donc le nom de l'association, j'ai pensé aux notes musicales mm-hmm. dans un autre ordre. Mm-hmm. Et donc j'ai pensé peut-être c'est famille, donc pour jouer un peu avec les mots, mm-hmm. dans laquelle retourne un peu peut-être des mélodies, des musiques. C'est pas le but ou c'est une idée tout à fait différente, l'idée du nom Famisole? Alors, effectivement, il y a beaucoup de musicalité dedans, mais théoriquement, c'est pas du tout les notes de musique. Ah, d'accord. Mais ça pourrait, parce que c'est vrai que c'est un projet frais et chantant, on va dire, avec plein de bonnes idées, plein de bonnes énergies. Donc, mais en fait, Famisole, c'est le diminutif de famille solidaire à la base. Ah, d'accord. Donc voilà. Bon, ça prête un peu à confusion, mais finalement, pourquoi pas? Peut-être que ça fait venir des gens qui sont persuadés que c'est un projet musical. Et finalement, ils sont les bienvenus aussi parce qu'on fait de la musique, on adore. Tu vois, à la radio, on passe toujours à la musique. Donc, quels sont pourtant les projets futurs ou dates à rappeler? Les prochains événements, je ne sais pas, quelque chose que tu as à l'esprit maintenant? Alors, de toute façon, la journée Famisole, c'est tous les week-ends avec Le grand avantage de ce projet, c'est que les gens s'inscrivent quand ils veulent. Donc ça, il n'y a pas un engagement ferme et contraignant. Mm-hmm. Donc c'est pas tous les samedis, non. Certains encadrants viennent 3 fois par an parce que voilà, leur agenda est, comme nous tous, on est tous un peu surchargés de travail et de projets. Mais par contre, il y en a quand même une tous les week-ends. Et donc certains viennent 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et donc ça c'est à l'agenda, c'est une actualité permanente, on va dire. Permanente, ok. Maintenant des projets, on prévoit de faire quelques séances d'information dans certaines communes dans Bruxelles cette année-ci. Donc ça évidemment on l'informera sur le site de Famisol, famisol.be. Et puis voilà, on est toujours aussi en idée de créer des actions qui peuvent marquer les esprits en disant un peu différente, comme on a fait en septembre là maintenant. On a fait un flash mob dans la gare centrale de Bruxelles. On avait fait une mise en scène avec un acteur mime qui donc il était muet, il se baladait avec des béquilles et des valises et évidemment il s'en sortait pas. Et donc et il appelait du regard, il lançait des SOS aux gens dans le hall de la gare centrale. Mais évidemment la solidarité c'est pas facile à naître dans un hall de gare. Et donc quand quelqu'un l'aidait, il faisait faire un petit parcours avec sa valise. Et au bout d'un moment, il faisait un top là. Et là, tous les bénévoles qui étaient cachés dans le hall de la gare centrale mettaient la casquette de Famisol et applaudissaient le bonhomme. Alors, c'est le symbole on encourage la solidarité autour du handicap. Et c'était vraiment ce symbole de Famisol encourage cet élan spontané finalement. On va vers l'enfant parce qu'il a une limite. On va essayer de l'aider là-dedans. Et donc, ça symbolisait vraiment ça. Et donc, voilà, on a fait ce qu'on appelle un cheering flash mob où les gens applaudissaient. D'un coup, ça mettait une ambiance de fou. Alors, je dis pas qu'on va faire ça chaque année parce que voilà, il faut innover. Et donc, cette année-ci, on se tâte encore. Et par exemple, est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone, adresse email pour vous contacter, pour ceux qui nous écoutent? Alors oui, bien sûr. Alors bon, il y a évidemment le site de Famisol, internet, donc famisol.be, c'est facile, c'est comme les 3 notes de musique, évidemment. Et puis sinon, il y a un téléphone, il y a les lignes fixes, le 02 771 91 14. Il y a un GSM, pour ceux que ça intéresse plus d'appeler sur un portable, ce qui est le 0473 86 65 49. Et un petit mail, c'est info@famisol.be. Parfait. Jean-Michel, encore un message ou un autre mot, quelque chose encore pour nos amis? Rejoignez-nous. Alors, Bruxelland te remercie et souhaite à vous tous des excellentes journées ensemble, merci. Soit à vos enfants, soit à vos volontaires. Oui, merci beaucoup. Ed eccoci qua, ringraziamo Jean-Michel, il quale veramente ci ha reso i partecipi di un'iniziativa estremamente interessante. Jean-Michel est encore avec nous et on était encore de dire quelque chose, par exemple, sur le nombre aussi des bénévoles que vous avez à l'association, Jean-Michel. Alors, c'était quand même un nombre intéressant, moi je ne connaissais pas le données, donc je ne voulais pas poser une question peut-être. Alors, il y a environ déjà des enfants, il y a une quarantaine d'enfants plus ou moins inscrits à Famisol avec une tournante chaque année, voilà, c'est une moyenne de 35-40 enfants. Il y a une trentaine de familles relais, et puis les encadrants, alors ça dépend, il y en a qui sont très réguliers, certains qui sont beaucoup plus « je viens quand je peux », c'est-à-dire pas souvent, et, donc ils sont entre 20 et 100. Donc, c'est dur à dire. Félicitations, je trouve réellement c'est un projet très intéressant, je vous souhaite encore du succès. Merci comptez beaucoup. Sur nous aussi si vous voulez faire de la publicité à vos activités, on est là pour vous aider. Moi, je vais essayer de passer. C'est promis à la radio, donc voilà. C'est noté. Tout le monde l'a entendu. Ebbene, ringraziamo quindi Jean-Michel. Passiamo al nostro secondo ospite, che voi già conoscerete perché è stata con noi qualche tempo fa e ci avevamo promesse che ci saremmo risentite in occasione della sua ultima fatica letteraria. Ebbene, questa sua ultima fatica è stata pubblicata e proprio penso questo mese, il mese di gennaio, da parte della casa editrice Manni, e parlo di Anna Laura Longo, così come avevo anticipato in apertura, la quale ha appena pubblicato una raccolta di poesie Procedure esfolianti. Anna Laura. Sì, pronto, eccomi. Buonasera, benvenuta a Bruxellando. Grazie. Soprattutto bentornata. Eh già. È la seconda volta che mi trovo molto volentieri, insomma, a raccontarmi con voi. Ci eravamo salutate l'ultima volta proprio con la speranza di risentirci, la speranza è per fortuna diventata realtà. Hai appena pubblicato con Manni con la casa editrice Manni, procedure esfolianti. Questa raccolta poetica divisa in tre sezioni estremamente interessanti, insomma, vi ho dato uno sguardo. E magari prima di passare però a questa tua ultima raccolta, brevemente qualcosa su di te per quanti fossero la prima volta all'ascolto della tua poliedrica attività artistica. D'accordo, allora per gli ascoltatori che non hanno ancora mai avuto un approccio con il mio lavoro, posso ricordare che si tratta fondamentalmente di un'area di sviluppo dai contorni abbastanza eterogenei, un'area di sviluppo che abbraccia la musica, la ricerca poetica sulla parola ed anche alcuni aspetti delle arti figurative, ecco, quindi fondamentalmente si tratta di un campo di coltivazione abbastanza allargato. E procedure sfoglianti arriva come terza pubblicazione, le precedenti sono state Plasma del 2004 e Nuove rapide scosse retiniche del 2009, di cui abbiamo abbondantemente parlato l'ultima volta. E con questa nuova raccolta, appunto, che è stata pubblicata da Manni, mi piace raccontare, diciamo, e descrivere i nuovi sviluppi, quelle che sono anche le nuove emergenze della mia ricerca e del mio lavoro poliedrico, un po' come tu stessa dicevi, e quindi anche le mie sezioni di vita del momento, ecco. Beh, il tuo soprattutto lavoro di ricerca sull'arte. L'arte che, come avevamo già visto, è comunque intesa come forma di attraversamento e indagine, perché per quanti si ricordassero anche degli occhialoidi, penso che veramente questo tuo approccio innovativo agli occhialoidi in quanto tali credo sia veramente straordinaria. Andiamo oltre, perché mi sembra di capire, correggimi se sbaglio, che c'è comunque questa ricerca che continua e che va al di là delle forme. Quindi perché procedure, insomma, questo confermerebbe queste procedure sfolianti? Dunque, intanto vorrei dire che tutto avviene sotto il segno della continuità, quindi comunque questo volume, diciamo, che si inserisce nei confini di Nuove rapide scosse retiniche, che è quello precedente, però prova anche ad ampliarli questi confini. L'idea è quella di trovare fondamentalmente una connotazione sempre più riconoscibile, anche un aroma proprio specifico, diciamo. E quello che tu dicevi è giusto, esistono praticamente all'interno di questo volume ed in generale all'interno del mio lavoro almeno alcuni aspetti peculiari, e prima fra tutti c'è questa volontà di dare un ampliamento alle parole attraverso, appunto, la costruzione, ancora prima attraverso la progettazione di oggetti che confluiscono in allestimenti visivi, e quasi come se ci fosse una specie di coefficiente di dilatazione, diciamo così, insito nella parola, una parola quindi che va ad avere una espansione assumendo una veste più ariosa, potrei dire, rispetto a quella originaria, anche a quella immaginabile. Poi magari un po' più avanti proverò a raccontare anche di nuovi oggetti. Ne parleremo, perché ho visitato il tuo sito internet e li ho trovati estremamente interessanti. Quindi la raccolta si divide, come dicevamo prima, in tre sezioni: stati d'animo agettanti, procedure sfolianti e Basileus. Partiamo dal primo, dagli stati d'animo agettanti. Qual era l'obiettivo della tua ricerca? E soprattutto, allora, che cosa pensi che, cioè, sei soddisfatta del risultato ottenuto, e che cosa cambieresti guardando indietro oggi a questa tua pubblicazione? Intanto l'aggettivo aggettanti è disunto praticamente dall'ambito dell'architettura, però è un aggettivo che non porta un senso di allarme, ma invece praticamente un senso di apertura e di proiezione verso l'esterno. E in questa prima sezione praticamente l'idea era quella di trattare le parole come se avessero un valore insurrezionale, e questo valore insurrezionale è stato determinato naturalmente dalla scelta e dalla particolare gestione, diciamo così, delle tensioni e delle distensioni, appunto, che si possono trovare all'interno dei versi, e anche attraverso proprio la costruzione apposita di una specie di torsione, a me piace chiamarla così, della parola, che poi invece prova ad avere un suo scioglimento, e si aggiungono anche però tutte le particolarità ritmiche che possono creare proprio questo senso insurrezionale, come dicevo. E invece la seconda sezione, che si chiama Procedure esfolianti, fa riferimento alla figura di Daphne, quindi a questa figura mitologica, che però viene colta in un momento particolare, un momento di immaginaria fuoriuscita dal suo involucro, con l'idea quindi di proiettarsi in nuovi squarci di possibilità, diciamo. Quindi la sezione centrale, che è quella che dà il titolo anche all'intero volume, descrive anche questa fatica fisica di Daphne, che secondo la mia immaginazione abbandona il suo stato, diciamo, di albero e torna ad acquisire fisicità e quasi nuovamente ad avere un proprio rapporto carnoso, insomma, con la vita e con di nuovi passi, ecco, come si diceva prima. Infine, l'ultima sezione si chiama appunto Basileus, ed si tratta in realtà di un lavoro di teatro musicale che ha avuto anche una sua messa in scena un po' di tempo fa, e fa riferimento al tema ampio e aperto del potere, e potere, insomma, autorità e dominio. Basileus, tra l'altro, si può anche ascoltare la versione di teatro musicale nel mio sito, che è www.annalauralongo.com, nella sezione Esplorazioni sul verso, e si tratta di una versione musicale per voci recitanti ed anche per strumenti musicali. Il testo era rimasto a tutt'oggi inedito, invece ho deciso di collocarlo in questo volume perché mi sembrava che potesse essere ben integrato con tutto il resto. E mi dicevi, ecco, cosa cambierei, cosa modificherei, insomma. Fondamentalmente mi sembra, come già dicevo, che ci sia una continuità che mi fa avere una sorta di respiro, un buon respiro, che probabilmente è giusto ed è necessario nella scrittura, così come è giusto e necessario forse negli stati d'animo in generale. E del resto, quello che più facilmente magari provo a perseguire in questa fase, anche in questo periodo, è proprio un'idea fluida nel mio stare nelle cose, così come nel mio stare nei miei procedimenti artistici, diciamo, di poesia, musica e così via. Ecco, quindi questa è la mia risposta. Vabbè, complimenti, guarda, veramente sempre molto chiara e precisa. E, prima di passare alla lettura, perché spero che potrai anche leggerci qualcuno di queste tue poesie, vorrei avere una conferma da te. Guardando un po' al complesso della tua scrittura, in particolare di Procedure esfolianti e alle tre differenti sezioni, mi sembra di capire che questa tua ricerca è anche un po' un'evoluzione della parola stessa. Quando tu definisci la parola come, o le parole come stati tensori, quindi immaginiamo proprio la parola, e qualcuno ha detto il verbo si fece carne e venne ad abitare tra di noi, oppure tante altre cose sono state dette sulla parola, e mi sembra di vedere un po' questo percorso, no? Di questa parola che prima è tensione. Dalla tensione poi, come se questa tensione scivolasse via, quindi si trasforma, come dici tu, con questa parola estremamente, se vuoi, estetica, quindi esfoliante, poi con l'affermazione, cioè quindi questa parola che diventa potere. Quindi... Sì, assolutamente il percorso è quello che ho in mente, insomma, quello che tu descrivi. E diciamo che si potrebbe aggiungere anche il piacere che è tipico della mia scrittura, anche di creare con le parole delle immagini subitanee, che a volte sono anche disarticolate, e con l'idea di creare anche una sorta di quasi straniamento, di lieve visionarietà, e questo si rileva facilmente, anche magari lo si potrà ascoltare durante qualcuna delle letture che farò tra poco. Quindi, ecco, questo potere che tu dici della parola è un potere però poliedrico, che può essere visto e può essere accolto da varie angolazioni, e c'è magari una, probabilmente una bellezza in tutto ciò, perché appunto si può avere quasi una avvolgenza, no? Un'avvolgenza. Esatto, sì. E c'è un'ultima cosa, prometto passiamo ai testi, scusami, sono abbastanza curiosa. Nel tuo testo su Basileus tu parli di anelito e responsabilità. Sì, sono due parole, ecco, che praticamente possono oscillare e che invitano noi stessi in primo luogo, in quanto individui, in quanto cittadini, proprio ad essere speranzosi, quindi a nutrire, in questo senso, ecco, c'è anelito al miglioramento della situazione, di una situazione vigente, e nello stesso tempo però a farsi carico e quindi ad assumersi una personale, seppur piccola, responsabilità, che diventi quindi azione e che diventi quindi segno tangibile, ecco. E toglimi ancora una curiosità, perché tu la menzioni ugualmente nel tuo testo. Dove secondo te l'interrogativo del singolo incontra quello della società e viceversa? Ma sono naturalmente affiancate le due posizioni. È giusto però dare appunto rilievo alla responsabilità del singolo e cercare di tutelare gli atteggiamenti, i comportamenti, in modo che poi possano facilmente sfociare in modo il più possibile energico innanzitutto, ma anche il più possibile positivo all'interno di una faccenda, diciamo, ben più allargata, ben più ampia, che appunto coinvolge una porzione sociale assolutamente allargata, tanto più allargata nell'oggi. Stati d'animo agitanti, c'è un brano che vorresti condividere con i nostri amici all'ascolto? Sicuramente, ne avevo appunto già preparato qualcuno. Ecco qui. Fin qui siamo obbligatoriamente schiusi da architetture di luce e voci in letargo, dove il palato affonda radici, di monocromia si tingono i polsi. Scende in un piatto un tuono, con una logica dialogante. Ingerisci presto la luna e le sue ingegnerie, prima che gravi come un sequestro o un diktat esasperante, e si cali in sprazzi di geometrie e in suggellate misture. Ingerisci presto la luna. Voglio ridomandarti, quasi decorticata, una nuova posa in lunga scioltezza, ma sui gradini in pietra poggiano forbici alluvionali, quasi terre emerse, sottoposte ad accerchiamento. Il giorno si accresce, vivo, nei basamenti, e la cena è schiusa, perfettamente tonda, per aprire una trattativa. Sul medesimo asse poggiavo dadi e schiettezza. Ecco, questo appunto era un estratto dalla prima sezione, da Stati d'animo agitanti, di Procedure sfoglianti. E se mi consenti vorrei giusto aggiungere qualcos'altro, visto che sono partita proprio da questo testo. Assolutamente, magari sì. Possiamo leggere sia un brano da Procedure sfoglianti che un altro da Basileus, così da dare un'idea di tutte e tre le sezioni. D'accordo. Ecco, appunto, stavo dicendo che sono presenti nelle pagine di Procedure sfoglianti alcuni elementi ricorrenti che sono quasi dei punti nodali, e in questo caso, nello specifico, sono presenti almeno due nozioni importanti, che la nozione di tempo e di sogno, e poi delle componenti di luce. Alcune poesie, in particolare potrei quasi definirle delle poesie con fasci di luce, appunto il testo da cui sono partita parlava proprio di queste architetture di luce, ed anche l'incipit del libro stesso è assolutamente esplicativo in questo senso, perché parte proprio con un'idea di luce levigante, ed ancora la prima poesia invece della seconda sezione parla di una luce equilibratrice. Ecco, quindi questa presenza di luce variegata che probabilmente appunto porta riposo, porta che in effetti si pone anche un po' in contrapposizione con quanto era presente nel volume precedente, che tanto puntava sullo sguardo e sulla visione, quindi sull'acuire lo sguardo, mentre invece questa esaltazione, diciamo, della luce probabilmente definisce uno stadio magari anche di maggiore riposo delle sensazioni e forse in generale anche della struttura, diciamo così. E c'è poi questa importanza che viene data al tempo, un tempo che è da intendersi come un alleato, probabilmente, che funge da alleato ed è quindi fortificante. Ecco, questo volevo aggiungerlo. E poi mi chiedevi però un estratto dal... Un estratto, sì. Sì, e ti tengo a precisare che questo testo è abbastanza esteso, quindi potrò estrapolare soltanto una piccola parte, giusto per dar modo di conoscere un po' le sue caratteristiche. È pensato per due voci recitanti, e quindi partirò proprio da questo dialogo, giusto una sezione. Vado a leggerlo. Ti ascoltiamo. Basileus, chi ti fece? Chi ti fece impervi e le ossa, compattate e adunche come turgidi baluardi? Quali braccia tornite ti tenevano stretto, coibentato, infuso nei rinforzi di sagaci armature? E la fronte? Basileus, chi ti rese angusta la fronte per soffrire di ispida febbre e grondante calura? Una fronte brulla e riversa come un florido inganno. La tua tunica larga e sciancrata ora arriva massimo ai fianchi e imbiancata trema, ripercorsa di venature, testimone di caparbia snellezza. Non avere abbastanza, non avere abbastanza diramazioni ed arrassura nel dirigere i passi tra le grinze di ogni estesa radura. Ogni passo è possibile senza voltarsi, senza lacci ai talloni o spianate suture. Ogni varco è accessibile senza adombrarsi, con lesioni alle gambe per sorreggersi e poi scardinare linearmente oltranzisti, impetuosi, eretti, in un atto di rapimento. Uomini armati, fedeli seguaci, basta dire loro espansione, sensazione vivida e focalizzata, basta porgere loro un basamento, la maniaca tentazione di un astratto dominio, non venire mai meno. E naturalmente qui si allude anche alle aberrazioni del potere, e quindi alle esagerazioni che possono scaturirne, con effetti anche nocivi. Basti pensare alle guerre. Ahimè, purtroppo gli esempi sono tanti, quindi in effetti è proprio vero che è così. Prima parlavi del tempo come alleato. Alleato, sì. E trovo questa definizione molto interessante, perché per esempio io in radio il tempo lo definisco un tiranno, ha sempre ragione lui. Sì, probabilmente può esserci un modo di stare nel tempo abbastanza variegato. In realtà, mentre stavo appunto raccontando il tempo, mi veniva in mente che c'è soltanto un testo nella mia raccolta in cui invece si parla addirittura di un azzeramento del tempo, e quindi quello è ancora un altro caso, un'altra questione, cioè ricostituirsi del flusso del tempo che c'è quando tutte le volte che ci troviamo in prossimità o proprio in procinto di cambiamenti importanti, e quindi qualcosa torna a rigenerarsi, è possibile che in quei momenti non ci sia esattamente la fluidità magari anche desiderabile del tempo, ma più qualcosa di contratto. Quel testo inizia infatti dicendo nuovo punto zero nel dispiegamento di forze, quindi a volte succede assolutamente nei nostri percorsi che invece ci sia questa necessità di ritrovare questo punto zero. L'importante è che poi avvenga magari non continuativamente e che questo punto zero possa trovare però un seguito appunto nella già citata fluidità, diciamo così, ecco. Assolutamente. C'è un tema che mi sembra pure ricorrere, no? Prima ricorrere, insomma, nella tua scrittura, prima parlavi di uomini armati e con questo mi collego invece a questa tua mostra, a questo allestimento visivo che si chiama Cionduli utopici avveniristici neoarmature e neoarmature. Sì. Magari so che è molto difficile perché insomma bisognerebbe veramente guardare le immagini o gli oggetti che tu rappresenti, però ero molto curiosa, quindi magari se puoi accennarci rapidamente qualcosa. Sì, allora posso dire sicuramente che sono dei particolari monili di scena, anzi potrei dire degli pseudomonili perché caratterizzate da forme alquanto inusitate, con dei forti vincoli però con testi poetici specifici. E alcuni di questi esemplari sono propriamente indossabili, mentre altri sono pensati come esemplari da parete, richiedono un appoggio, una sospensione sopra tele o teche. E ognuno di questi ciondoli utopici avveniristici è animato, diciamo, da proprie vicissitudini interne e lascia scaturire, diciamo, una possibilità di sorpresa e di stupore, quello che ho voluto immettere dentro questa serie, diciamo, di oggetti, anche una certa un certo contrasto tra quelli più eterei o invece particolarmente vivaci dal punto di vista delle colorazioni e invece quelli particolarmente rigorosi che tornano ad essere in ferro, così come gli occhialoidi, con punte acuminate, elementi oblunghi e abbastanza di carattere straniante. Il tutto però va a comporre un insieme che risulta fondamentalmente quasi come una sorta di aggregato, ecco, e che probabilmente fornisce proprio queste differenze in termini anche di sorpresa. Bene, Anna Laura, ahimè il tempo in radio è veramente tiranno, lo dicevamo, vorrei tanto fosse anche mio alleato in taluni casi. Prima di salutarci, che cosa bolle in pentola, i progetti ai quali stai lavorando e poi ricordiamo un evento che avrà luogo tra qualche tempo proprio qui a Bruxelles. Sì, dal punto di vista della poesia sono comunque già al lavoro su una nuova raccolta che si intitolerà Lucida captazione di urla di mare, un titolo abbastanza lungo e c'è continuamente questa ricerca di ritrovare una sorta di velocità interna nelle parole che, come dicevo prima, si acquisisce attraverso le strutture ritmiche ma anche attraverso appunto il dosaggio delle tensioni e distensioni, quindi continua questa ricerca, ecco. E poi c'è tutto l'aspetto legato alla musica, un mio recital che si intitola Lunghe le mani sfilate dal suolo per pianoforte e che fa riferimento a delle musiche, a delle pagine musicali di compositori dell'oggi, tra cui potrei citare Gubaidulina, Stockhausen, Giacinto Scelti, Luciano Berio ed altri. E fondamentalmente questi sono i due progetti proprio imminenti e poi naturalmente tutta la serie di situazioni e di eventi che saranno collegati proprio a questo volume che è appunto appena arrivato e quindi richiederà un buon iter, diciamo, di promozione e di divulgazione. A proposito di promozione, ricordo ai nostri amici all'ascolto che il prossimo 13 febbraio sarai ospite della Libreria Piola. Bruxellando sarà al completo, quindi l'equipe di Bruxellando sarà in libreria e tra l'altro ti annuncio che proprio in occasione della tua puntata faremo un tentativo, e questo è il primo tentativo per quel che ci riguarda, di una trasmissione in diretta. Quindi tutti i nostri amici ascoltatori potranno anche ascoltare il tuo intervento in diretta direttamente da Radio Alma. Spero allora che qualcuno degli ascoltatori potrà essere presente, insomma, proprio il 13, mi farebbe molto piacere. Assolutamente, penso proprio di sì, perché ci saranno tanti ospiti, l'evento l'abbiamo già pubblicizzato da qualche giorno, insomma speriamo che siano veramente anche molto numerosi. anche perché veramente la tua opera è da vedere, altrimenti insomma non riesci ad essere completamente compresa. Parziale, probabilmente potrebbe essere parziale. Assolutamente, assolutamente. Anna Laura, noi ti ringraziamo, ti auguriamo veramente un grossissimo in bocca al lupo. E ti avremo qui a Bruxelles tra qualche settimana, quindi insomma veramente siamo molto felici di ritrovarti. Anch'io voglio salutarvi, insomma, e vi mando sicuramente una buona energia. Ti ringrazio altrettanto. Buona serata. A presto. A presto. Buona serata. Ed eccoci nuovamente qui, noi salutiamo anche Ivano Fossati che apparentemente col suo prossimo e ultimo concerto di marzo probabilmente conclude anche la sua lunga e felice carriera musicale, quindi insomma questo ci sembrava essere veramente un omaggio a questo cantautore che tanto ha scritto per i nostri cantanti, tra cui la famosissima Laura Pausini, quindi insomma, e non solo, perché sono tanti i cantanti per i quali lui ha prodotto testi musicali estremamente sublimi. Noi siamo alla fine anche di questa ricchissima puntata di Brussellando. Ringrazio Jean-Michel che è rimasto con noi qui in trasmissione e il quale ci ha fatto conoscere le attività di questa associazione senza scopo di lucro chiamata Famisol, quindi veramente invitiamo tutti i nostri amici all'ascolto di informarsi. Il sito, come diceva Jean-Michel, è molto semplice: www.famisol.be, quindi veramente semplice. Mi raccomando, insomma, raggiungete questo gruppo perché effettivamente ne vale la pena. E ringraziamo Anna Laura Longo che è stata nuovamente qui con noi questa sera e che veramente ci ha resi partecipi di questa sua straordinaria forza, non solo poetica ma anche musicale e visiva, e veramente vi consiglio di visitare il suo sito www.annalauralongo.com. Anna Laura sarà nuovamente con noi il 13 febbraio proprio alla Libreria Piola. Io sono veramente curiosa di sentire quella che sarà la sua performance. Ringrazio Dani e me in regia. Grazie, buonasera a tutti. Saluto i nostri George e Fiordaliso in vacanza, quindi li avremo qui con noi credo soltanto tra due settimane. Vi annuncio già che la settimana prossima sarà ugualmente una puntata molto ricca, due saranno gli ospiti. Ritorna con piacere l'ambasciatore Domenico Vecchioni, riapriamo quindi anche la sezione della penna del diplomatico e poi parleremo di Cuba e ne parleremo anche con Edoardo Manì. Quindi una buona settimana a tutti, speriamo non faccia troppo freddo, e Maridì vi saluta e spera di ritrovarvi sempre più numerosi martedì prossimo. Ciao!